C'était le 13 décembre 2016 à 12h30 à la bibliothèque communale francophone d'Ixelles. Elle ouvrait ses portes, la bibliothèque évidemment, pour venir découvrir une sélection de 4 courts-métrages belges le temps d'un midi. Pourquoi pas ? Et donc, ce qu'on va entendre, c'est le public qui réagit par rapport à ces 4 courts-métrages belges. Alors les 4 films, courts, il y avait « Si j'étais un homme » réalisé par Margot Remond, « Étrangère » réalisé par Christophe Hermans, excusez-moi si je prononce pas bien. Ensuite, il y a « Matongé » réalisé par le Centre Vidéo Bruxelles en collectif, « Amadej Pétan »,« Anatole »,« Mandroyan », »,« Elisa Ooms », »,« Oli H », »,« Luca Zvetko » et « Nuno » Cristino Ribeiro. Et puis, en dernier, il y a Papier d'Arménie avec Ornella Macchia. Tout de suite maintenant, on s'écoute le public qui réagit avec Margot Remond, Si j'étais un homme, qui est présente, donc la réalisatrice du film, et Ornella Macchia, qui est présente aussi pour son film Papier d'Arménie. À faire passer la date et l'information, ce sera le 15 février 2017, à la bibliothèque communale d'Ixelles, toujours cette même idée, midi, la projection d'un film, et cette fois-ci un long métrage de Peter Vaneke. Alors le titre du film, c'est en anglais et je ne parle pas du tout anglais, c'est Samuel in the Clouds. Est-ce que je prononce bien ? Là est le mystère. Mais en tout cas, je peux vous lire le synopsis. Oui, je n'ai pas vu encore le film. En Bolivie, la fonte des glaciers atteint un niveau historique. Derrière sa fenêtre, Samuel, ancien garçon d'ascenseur, jette un regard sur le vaste paysage qui se déploie depuis un des plus hauts sommets du monde. Cela fait des générations que sa famille vit et travaille dans les montagnes enneigées, mais à présent une pénurie de neige bouleverse le mode de vie des habitants de la montagne. Alors que les scientifiques évaluent les conséquences des changements climatiques, Samuel honore les esprits ancestraux de la montagne. Les nuages défilent inlassablement. Voilà. Je répète, si vous voulez voir ce film, rendez-vous à la bibliothèque communale d'Ixelles le mercredi 15 février 2017, vers midi. Vous aviez une question ? Pour démarrer ? Oui, je veux bien. Moi, je voulais dire à la réalisatrice du dernier court-métrage, Si j'étais un homme, j'ai été étonnée par les réactions des femmes interrogées. Je me suis demandé, est-ce que j'aurais dit la même chose ou bien est-ce que... Parce qu'elles sont jeunes. Elles sont jeunes, donc elles s'empêchent quand même de vivre comme elles ont réellement envie, malgré tout. Un exemple concret de phrase qui vous a choqué, comme ça on est dans le vif du sujet. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont dites en même temps. Mais par exemple, il y en a une qui dit « Si j'étais un homme, j'aurais moins peur. Si j'étais un homme, je ne vivrais pas comme ça. » On voit son appartement qui se réduit et elle vit d'une façon beaucoup moins matérialiste, finalement matérielle. Enfin, elle s'encombre moins de superflu si elle était un homme. Donc voilà, j'ai été étonnée. Et gagner des sous. J'aurais probablement fini dans une école d'ingénieur quelconque, en tout cas. Sans la moindre conviction. Donc ouais, normalement, j'étais prévue pour être un garçon, moi. J'aurais dû m'appeler Mustapha. J'aurais pas eu la même sensibilité, parce que voilà, j'aurais pas eu le même parcours, quoi. Si j'avais été un garçon. Je serais un homme grand. Je pense que je serais un peu. J'aurais genre une barbe de 2 jours et tout. Je serais un peu comme ça. J'aimerais bien la nature. Je sais pas, un mec bien bâti, un peu. Voilà, qui a un peu un torse. Je serais un peu un bûcheron, quoi. Avoir un métier un peu physique comme ça. Qui demande. pas de la force, mais tu vois, quelque chose dans les mains. Ouais, je crois que c'est mon fantasme, en fait. Il y a une exception qui sur les Margot cinq, Rumont. En fait, il y a cinq filles qui sont interrogées. Il y en a une qui s'imagine pas que c'est mieux, mais qui s'imagine que ce serait moins bien. Qui s'imagine qu'elle aurait été obligée de faire des études pour avoir un vrai métier, qui est aussi terrible à l'inverse. Et j'ai été aussi étonnée d'avoir ces réponses, mais honnêtement, je pense que je me serais aussi fait piéger à répondre la même chose. J'ai interrogé une vingtaine de filles et c'est 90% des réponses qui sont comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de répartir sur 5 personnes. Bah, y en a une qui dit que c'est moins bien et les 4 autres qui disent que ce serait mieux. Mais dans les deux cas, je trouve que c'est terrible. Enfin, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à faire pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Et d'ailleurs, elles s'en rendent compte, enfin, il y en a une qui se rend compte à la fin, et c'était important de finir là-dessus, de dire, mais en fait, c'est terrible ce que je dis. Mais ce serait peut-être intéressant du coup d'entendre, parce que là on devine évidemment que c'est terrible ce qui se dit. On le devine, on le cite pas encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est terrible? Bah que il y a encore beaucoup d'inégalités, qu'on s'imagine que c'est... On s'empêche de faire des choses alors qu'on pourrait très bien les faire en fait. Et pourquoi, en fait, la question, c'est pourquoi on s'empêche de faire ça? Pourquoi on s'empêche de vivre la vie qu'on a envie de vivre? Et qu'on met ça sur des arguments qui sont pas valables, en fait. Oui, moi, je vois ça aussi comme un fantasme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être un... Enfin, nous, enfin, là, on est entre femmes, mais là, on ne sait pas ce que c'est d'être un gars à l'intérieur de soi aussi. Donc, on projette aussi plein d'idées qu'on a. Si ça tombe, ce ne serait pas du tout réel. Mais oui... Et en même temps, ça me raconte aussi le fait que ben, je suis femme et je suis bien en étant femme. C'est aussi ça que ça raconte pas dans le docu. C'est-à-dire qu'on projette que si c'était un gars, pour les femmes qui parlent, que si elles étaient un homme, ça serait vachement mieux, en fait. Ouais. Mais l'idée, voilà. L'idée, c'est vraiment pas de dire « je voudrais être un homme et je n'ai plus envie d'être une femme ». C'est clair que c'est pas ça, l'idée. Ah oui, mais je trouve que c'est ce qui se dit quand même. Bah, elles disent pas qu'elles voudraient... Elles disent pas qu'elles voudraient être un homme. Elles s'imaginent juste que ce serait mieux. Ah bah oui, mais moi, du coup, je fais un raccourci. Je me dis, bah tiens, ça veut dire que... Enfin, pourquoi elles pensent que ce serait mieux? Ouais. Enfin, voilà. Après, on peut étendre le débat. Hein. On pense toujours que c'est mieux ailleurs, que... Voilà, ma vie est nulle par rapport à celle de mon voisin, de ma voisine, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hein. Étrangère, c'est aussi un film terrible, je trouve. Oui, parce que comme tu dis, elle remplit sa vie, mais elle remplit son corps avec ses muscles. C'est dramatique d'une certaine façon. Enfin, il y a quelque chose de triste aussi. Est-ce qu'elle est... Enfin, on se demande si elle est heureuse. Non, il n'a pas posé la question. Oui, mais c'est ça qui est génial dans le film, c'est que étrangère, il n'y a pas un seul mot. Enfin, quelques mots. Après, c'est tous nos comment on dit ça, nos interprétations. Parce que bon, tu dis qu'elle est seule. Je veux dire, c'est pas. T'as vu le petit film, il est très court. Hein. C'est tout. Tu dis? On la sent seule, en tout cas. Et le temps du film, c'est long en fait, c'est un peu posé, donc t'as l'impression qu'elle est longtemps dans la solitude quand même. Ouais, moi, je traduis pas comme ça, moi en tout cas. Ouais. Je vois, oui, une femme seule qui comble quelque chose, ou pas, enfin, ça c'est de l'interprétation de notre part, parce qu'après elle raconte pas grand chose. Hein. Je trouve qu'elle assume en fait, malgré tout, je trouve qu'elle assume, on sent beaucoup de solitude, mais elle assume, elle est dans la foule, elle a envie de montrer son corps, elle n'est pas totalement... elle n'a pas l'air totalement désœuvrée, je pense qu'elle elle assume et elle est quand même heureuse par rapport à ce qu'elle, elle a envie dans la vie, j'ai l'impression, en tout cas. Enfin, c'est ce que moi, je ressens, après, c'est une interprétation, comme vous dites. Moi, ce que je trouvais justement triste, c'est que je crois que nous, on projette qu'elle est malheureuse, alors que en fait... je pense pas. Enfin voilà, quand on la voit passer dans la foule, elle exhibe, elle a une espèce de fierté et de force comme ça. Bon après, on sent qu'elle est toute fragile, mais qu'elle, elle se blinde à fond du regard des autres, mais je pense qu'elle prend vraiment du plaisir à voir ces regards gênés de gens ou qui se retournent, et c'est ça qu'elle cherche. Moi, ce qui me rendait triste, c'est que quand on voit une personne musclée comme ça, on se dit oh la pauvre, elle doit être malheureuse pour faire ça, alors que c'est peut-être vrai, pas. C'est de la pure interprétation de notre part quand on regarde ça, parce qu'elle ne raconte pas grand chose, hein. C'est ça qui est chouette dans le film, je trouve. Du coup, ça laisse plein de fantasmes, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur. Aïe. Il y avait quoi encore comme film, alors? Non, Maton Gay, donc ça c'est... Je ne sais plus qui l'a réalisé. Elle n'est pas là, bon. Mais peut-être que toi... Non, c'est une réalisation collective de l'atelier de production du CVB. Donc c'était tout un travail, ils ont fait toute une série de courts-métrages sur différentes parties de la ville. Et j'ai choisi Maton Gay, vu qu'on était, juste à côté, oui, bien sûr. J'ai ma clientèle. Oui, il y en a qui ne veulent pas aller ailleurs qu'ici. Africains, Européens, des Asiatiques, des Arabes, il y a de tout. J'ai de tout comme clientèle. Et pour moi, ils sont les bienvenus. C'est la galerie d'Ixelles. Et un jour, on a eu une réunion avec le ministre, je ne sais plus de quoi, et on avait demandé même de baptiser la station de métro Maton Gay. Et depuis ce moment-là, on a mis Porte de Namur, Maton Gay. Et alors là, ici, d'office, on dit Maton Gay. Mais seulement, si vous devez écrire du courrier, vous devez quand même marquer Galerie d'Ixelles. Hein. Maton Gay, c'est un surnom qu'on donne parce que c'est le quartier africain. Parce qu'à Kinshasa, il y a un quartier comme ça, la même chose qu'ici, qui s'appelle Matongé. Et c'est de ce fait-là qu'on a donné le même nom ici. C'est la même ambiance. Il y a au moins 25 ans de ça qu'on dit Matongé. Parce que les années vont tellement vite. Moi, si je n'inscris pas, je ne retiens pas exactement, mais je pense qu'il y a au moins 25 ans de ça. Autrement, avant, on disait on va à la Porte de Namur. Il y a encore un film dont on n'a pas parlé, c'est Papier d'Arménie, d'Ornella Macchiac. Hametzik, baru bekegel. Unek nur, tiran, salo, garof, 1000 dram 1 kilo yama. 1000 dram. Baron, digin. Mekir, zumek. Aba, tung fransasiyek. Baru bekegel hayastan, mer hayastan. Az na vuri cana cumek. Az na vur. Mamo meme. Mamo meme. Hametzik. Yegek, mirkere sportsrek. Zerni vurume. Şad urak durunem, yegek. Parce que tu es partie de l'interview, si tu peux expliquer, je pense que c'était un voyage que tu as fait, avec peut-être pas une intention directe, tu n'avais pas un sujet préétabli de film que tu voulais réaliser. Bah, du coup, j'étais partie un mois en voyage humanitaire en Arménie. Ornella et, Macchia. Donc je suis d'origine italienne et arménienne, enfin je voulais découvrir, je suis d'origine italienne et arménienne, et je voulais découvrir l'Arménie parce que je ne connaissais pas du tout. Et puis, au cours du voyage, j'ai un peu récolté des objets, des affiches sur les murs, enfin, en me disant que ça me servira toujours de matière en rentrant. J'avais envie de faire un film sur l'Arménie, mais je voulais vraiment pas me mettre la pression en me disant je vais trouver mon sujet là-bas. Et puis, en fait, vraiment, l'avant-dernier jour, avant de partir, je suis allée dans un marché pas du tout touristique. Et j'ai rencontré ce marchand qui nous a invités spontanément à parler de son histoire et à partager ses fruits. Et je sais pas, là tout s'est ouvert. Enfin, c'était hyper touchant comme rencontre. Parce que j'étais assez proche de lui dans le sens où il était multiculturel, on va dire. Et à la fois, vraiment éloigné de ce que lui vivait. C'était super touchant parce qu'il nous disait ça le touchait en fait qu'il y ait des Français qui viennent en Arménie et qui connaissent l'Arménie, et c'est important pour lui qu'on dise en retour de notre voyage que ça nous avait plu et qu'ils existaient. Et je me disais, enfin, je me suis rendu compte qu'on était, enfin, que nous en tout cas en Belgique ou en France, on n'a pas du tout ce questionnement de est-ce que le monde pense qu'on existe. En rentrant de ce voyage, je me suis dit je vais me servir de ce témoignage pour aussi moi dire ce que j'avais à dire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton film, c'est donc il y a l'aspect un peu documentaire d'une certaine façon, puisqu'il parle de son histoire, l'histoire de ses parents. Et tu ajoutes des éléments très poétiques, l'oiseau, le poisson, enfin un peu comme dans un conte, la vague de sable qui les englobe aussi à un moment donné. Enfin, je trouvais ça très poétique comme manière de raconter une histoire dramatique.